Quand j'arrive, mec, c'est hard. J'ai le lexique, ouais, c'est sale. J'ai de la visite, j'enfile ça. Vire ces putains, trop de mes passe dans ta partie. J'ai pas le temps pour tes collègues, hein. Moi, j'en fais la collecte, hein. Toutes sortes de bails glauques dans les caves. Donc, on les fracasse dans les bars en ça. Pas grand chose que tes parents savent. T'arrives, cher, j'te repars enceinte. Ça m'a sauté, j'vais pull up mon sars. Sur la table, à tes fiançailles. Dans ton flip, y'a des filles en strave. T'as dû payer, faire un chèque. Sur sa chatte, elle a mis des strass. J't'ai ma posé sur ma chaise. T'assassines à la check Yassine. Piloter le gaz, moi, j'reste assis. J'nique le juge dans la cour d'assises. Clic, clic, bang, et on baise la cible. Vêtu de noir comme un site. Fils de porc, si tu portes l'insigne. Tu me vois, des fois, j'porte le ringan. Des fois, j'porte le rein. Où ça, il me faut des thunes pour ça. Sont les affaires, tu filtres tous les appels. Singe, n'apprends pas de grimaces contrariées. Mon petit carasse, prends tes paras, fils de pute, bon débarras. Fais pas chauffer, Igo, quand t'appelles sur l'allée barra. Ramène-moi pas les decks dans la zone, dans les barrages. Fais pas chauffer, Igo, quand t'appelles sur l'allée barra. Ramène-moi pas les decks dans la zone, dans les barrages. Pris le flex, vivement, tu sois libérable. J'entends Igo, le truc il arrache. Prévois cacher Evans, je porte pas tracher Evans. J'suis dans la job, j'divane, s'il vous plaît, frappe à la diva. Parlo solo con la squadra, la tua è piena di...